Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, votre rendez-vous rock, punk, musiques expérimentales, c'est Lost in Space. Tous les dimanches soirs à 21h sur le 100 FM et on démarre immédiatement avec les Prettiest Eyes. Et pour ceux qui veulent connaître les titres, rappelez-vous, connectez-vous en même temps sur la page de la radio. Vous aurez la liste de tout ce qui passe. Et puis, si vous êtes amis avec nous sur Facebook, Lost in Space Radioactive de Toulon, vous l'aurez déjà su en avance ce que l'on allait passer ce soir. Allez, c'est parti pour 3 heures. Don't know what to do. Wait till the sun come up and left them in a ruin. everybody said, ho! J'ai reçu hier une lettre de Monsieur Valpole qui m'a fait rêver toute la nuit. Car je suis comme le lièvre de la fontaine en son gîte. Je rêve beaucoup dans le mien, n'y pouvant dormir. Oh, Comme il y a plusieurs Walpole, fort connus dans le monde depuis près d'un siècle, il est juste que j'établisse ici quel est le mien. 1, 2, 3, 4 Monsieur Robert Walpole, premier comte d'Oxford, ministre du roi George Ier. Si c'est là que ça, la vie encore plus ça. Je dis-tu là, ça passera pas comme ça. Si c'est là que ça, la vie encore plus ça. Ça ne peut pas, faites-le pour moi. Il a fait ça, il a raconté ça. Si tu savais de lui tout ce que je sais qu'il est comme ça. Horace Walpole, frère de celui-ci, ambassadeur en France près des États généraux. We'll be right back. c'est Horace Walpole, neveu de ce dernier, et troisième fils du ministre, châtelain de Shrewsbury Hill, mon meilleur ami et mon correspondant le plus assidu. Hélas, c'était en vain que j'implorais le donjon de Roussainville, que je lui demandais de faire venir auprès de moi quelque enfant de son village, comme au seul confident que j'avais eu de mes premiers désirs, quant au haut de notre maison de Combray, dans le petit cabinet sentant l'iris, je ne voyais que sa tour au milieu du carreau de la fenêtre entr'ouverte, pendant qu'avec les hésitations héroïques du voyageur qui entreprend une exploration, ou du désespéré qui se suicide, défaillant, je me frayais en moi-même une route inconnue et que je croyais mortelle, jusqu'au moment où une trace naturelle comme celle d'un colimaçon s'ajoutait aux feuilles du cassis sauvage qui se penchait jusqu'à moi. Je le suppliais maintenant. En vain, tenant l'étendue dans le champ de ma vision, je la drainais de mes regards qui eussent voulu en ramener une femme. Je pouvais aller jusqu'au porche de Saint-André-des-Champs. Jamais ne s'y trouvait la paysanne que je n'eusse pas manqué d'y rencontrer, si j'avais été avec mon grand-père et dans l'impossibilité de lier conversation avec elle. Thank you. Je fixais indéfiniment le tronc d'un arbre lointain de derrière lequel elle allait surgir et venir à moi. L'horizon scruté restait désert, la nuit tombait. C'était sans espoir que mon attention s'attachait, comme pour aspirer les créatures qu'il pouvait receler à ce sol stérile, à cette terre épuisée. Et ce n'était plus d'allégresse, c'était de rage que je frappais les arbres du bois de Roussainville, d'entre lesquels ne sortaient pas plus d'êtres vivants, que s'ils eussent été des arbres peints sur la toile d'un panorama. Quand, ne pouvant me résigner à rentrer à la maison avant d'avoir serré dans mes bras la femme que j'avais tant désirée, j'étais pourtant obligé de reprendre le chemin de Combray en m'avouant à moi-même qu'était de moins en moins probable le hasard qu'il eût mis sur mon chemin. This one's dedicated to Lucanator. It is called I got you in a corner. Et si fût-elle trouvée d'ailleurs, eussé-je osé lui parler ? Il me semblait qu'elle m'eût considéré comme un fou. Je cessais de croire partagé par d'autres êtres, de croire vrai en dehors de moi, les désirs que je formais pendant ces promenades et qui ne se réalisaient pas. Il ne m'apparaissait plus que comme les créations purement subjectives, impuissantes, illusoires de mon tempérament. Il n'avait plus de lien avec la nature, avec la réalité qui dès lors perdait tout charme et toute signification, et n'était plus à ma vie qu'un cadre conventionnel, comme l'est à la fiction d'un roman, le wagon sur la banquette duquel le voyageur le lit pour tuer le temps. We'll be right back. C'est peut-être d'une impression ressentie aussi auprès de Montjouvain, quelques années plus tard, impression restée obscure alors, qu'est sortie, bien après, l'idée que je me suis faite du sadisme. On verra plus tard que, pour toute autre raison, le souvenir de cette impression devait jouer un rôle important dans ma vie. C'était par un temps très chaud. Mes parents, qui avaient dû s'absenter pour toute la journée, m'avaient dit de rentrer aussi tard que je voudrais. Et étant allé jusqu'à la mare de Montjouvain où j'aimais revoir les reflets du toit de tuiles, je m'étais étendu à l'ombre et endormi dans les buissons du talus qui domine la maison, là où j'avais attendu mon père autrefois, un jour qu'il était allé voir Monsieur Vinteuil. What? Il faisait presque nuit quand je m'éveillais. Je voulus me lever, mais je vis Mademoiselle Vinteuil, autant que je pus la reconnaître, car je ne l'avais pas vue souvent à Combray, et seulement quand elle était encore une enfant, tandis qu'elle commençait d'être une jeune fille, qui probablement venait de rentrer en face de moi, à quelques centimètres de moi, dans cette chambre où son père avait reçu le mien et dont elle avait fait son petit salon à elle. La fenêtre était entr'ouverte, la lampe était allumée, je voyais tous ses mouvements sans qu'elle me vît, mais en m'en allant, j'aurais fait craquer des buissons, elle m'aurait entendu et elle aurait pu croire que je m'étais caché là pour les pieds. What do you think about when you're scared? Man, I just get kind of angry and just kind of... Elle était en grand deuil, car son père était mort depuis peu. Nous n'étions pas allés la voir, ma mère ne l'avait pas voulu, à cause d'une vertu qui, chez elle, limitait seule les effets de la bonté, la pudeur. Mais elle la plaignait profondément. Ma mère, se rappelant la triste fin de vie de M. Vinteuil, tout absorbé d'abord par les soins de mère et de bonne d'enfant qu'il donnait à sa fille, puis par les souffrances que celle-ci lui avait causées. Elle revoyait le visage torturé qu'avait eu le vieillard tous les derniers temps. Elle savait qu'il avait renoncé à jamais à achever de retranscrire au net tout son œuvre des dernières années, pauvre morceau d'un vieux professeur de piano, d'un ancien organiste de village, dont nous imaginions bien qu'ils n'avaient guère de valeur en eux-mêmes, mais que nous ne méprisions pas parce qu'ils en avaient tant pour lui, dont ils avaient été la raison de vivre avant qu'il les sacrifiât à sa fille, et qui, pour la plupart pas même notés, conservaient seulement dans sa mémoire quelques inscrits sur des feuillets épars illisibles resteraient inconnus. Ma mère pensait à cet autre renoncement plus cruel encore auquel M. Vinteuil avait été contraint, le renoncement à un avenir de bonheur honnête et respecté pour sa fille. Quand elle évoquait toute cette détresse suprême de l'ancien maître de piano de mes tantes, elle éprouvait un véritable chagrin et songeait avec effroi à celui autrement amer que devait éprouver Mademoiselle Vinteuil, tout mêlé du remords d'avoir à peu près tué son père. Thank you. Pauvre Monsieur Vinteuil, disait ma mère, il a vécu et il est mort pour sa fille sans avoir reçu son salaire. Le recevra-t-il après sa mort et sous quelle forme? Il ne pourrait lui venir que d'elle. Everybody's feeling so hurt, and I feel like Au fond du salon de Mademoiselle Vinteuil, sur la cheminée était posé un petit portrait de son père, que vivement elle alla chercher au moment où retentit le roulement d'une voiture qui venait de la route. Puis elle se jeta sur un canapé et tira près d'elle une petite table sur laquelle elle plaça le portrait, comme M. Vinteuil autrefois avait mis à côté de lui le morceau qu'il avait le désir de jouer à mes parents. Bientôt, son ami entra. Mademoiselle Vinteuil accueillit sans se lever, ses deux mains derrière la tête et se recula sur le bord opposé du sofa, comme pour lui faire une place. A one-self thing, it hardly knows it's a lie. Mais aussitôt, elle sentit qu'elle semblait ainsi lui imposer une attitude qui lui était peut-être importune. Elle pensa que son amie aimerait peut-être mieux être loin d'elle sur une chaise. Elle se trouva indiscrète. La délicatesse de son cœur s'en alarma. Reprenant toute la place sur le sofa, elle ferma les yeux et se mit à bâiller pour indiquer que l'envie de dormir était la seule raison pour laquelle elle s'était ainsi étendue. Malgré la familiarité rude et dominatrice qu'elle avait avec sa camarade, je reconnaissais les gestes obséquieux et réticents, les brusques scrupules de son père. Bientôt elle se leva, feignit de vouloir fermer les volets et n'y pas réussir. We'll be right back. mais elle devina sans doute que son amie penserait qu'elle n'avait dit ces mots que pour la provoquer à lui répondre par certains autres qu'elle avait en effet le désir d'entendre, mais que par discrétion elle voulait lui laisser l'initiative de prononcer. Aussi son regard, que je ne pouvais distinguer, dut-il prendre l'expression qui plaisait tant à ma grand-mère quand elle ajouta vivement « Quand je dis nous voir, je veux dire nous voir lire. C'est assommant, quelque chose insignifiante qu'on fasse, de penser que des yeux vous voient. » Eating the streets. Quand je dis nous voir, je veux dire nous voir lire cet assommant. Quelque chose insignifiante qu'on fasse, de penser que des yeux vous voient. Par une générosité instinctive et une politesse involontaire, elle taisait les mots prémédités qu'elle avait jugés indispensables à la pleine réalisation de son désir. Et à tout moment, au fond d'elle-même, une vierge timide et suppliante implorait et faisait reculer un soudard frustré vainqueur. Yeah. Oui, c'est probable qu'on nous regarde à cette heure-ci dans cette campagne fréquentée, dit ironiquement son ami. Et puis quoi, ajouta-t-elle, en croyant devoir accompagner d'un clignement d'yeux malicieux et tendre ces mots qu'elle récita par bonté, comme un texte, qu'elle savait être agréable à Mademoiselle Vinteuil, d'un ton qu'elle s'efforçait de rendre cynique, quand même on nous verrait, ce n'en est que meilleur. Mademoiselle Vinteuil frémit et se leva. Son cœur scrupuleux et sensible ignorait quelles paroles devaient spontanément venir s'adapter à la scène que ses sens réclamaient.

Première partie de Lost in Space qui s'achève à l'instant. On a entendu les Hungry Someones. Les Hungry, pas justement pas les Hungry Someones, mais les Hungry Snowmans et de Elves in the North Pole. Alors pourquoi j'ai dit Hungry Someones? C'est tout simplement parce que c'est ce groupe, les Hungry Snowmans, reprennent des titres à la perfection, on va dire, des Hungry Someones. Et là, en l'occurrence, c'était plutôt un morceau des Adolescents, mais ça n'est pas grave. Donc, fin de la première partie de Lost in Space, la partie plus punk rock. Et pour la deuxième, nous allons revenir à nos vieux amours de musiques expérimentales diverses et variées. Pendant plusieurs semaines, je pense que nous aurons des albums, en fait, des cassettes complètes d'un groupe hollandais qui s'appelait Club Moral, qui faisait de la musique industrielle. La première, c'est aujourd'hui, ça s'appelle Mutation et Prothèse. Et alors, pour ceux qui ne sont pas habitués à l'industriel, c'est légèrement différent de ce qu'on écoutait jusqu'à présent. Plus bruitiste, c'est vraiment le son le plus avant-garde qu'on avait dans les années 80 et je vous laisse apprécier.